Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la marche du pain et des roses du printemps 1995. Alors, la marche des femmes contre la pauvreté, ce n'est rien d'autre, mais c'est beaucoup, que cette extraordinaire convergence d'énergie, d'idées et d'émotions. La marche des femmes, c'est tout cela, c'est un but commun. Françoise David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, le 4 juin 1995, ce jour-là, des milliers de femmes se retrouvent devant l'Assemblée nationale du Québec pour souligner la fin de cette grande marche des femmes contre la pauvreté, cette marche historique qu'on a baptisée la marche du pain et des roses. Cette marche qui se déroule du 26 mai au 4 juin 1995 a permis aux femmes du Québec de réaliser d'importantes victoires. Plantés, fixés, installés, assis. Assis sur nos jobs, assis dans nos banlieues, assis dans les écoles, assis dans les symboles, assis. Assis chez le pédiatre, chez le psychiatre, chez le podiatre ou chez la faiseuse de hâte, chez l'inventeur de cœur de plate, assis. Assis au cinéma, assis devant nos pizzas, assis en transférant sur nos chats, assis en regardant nos bas, assis ben bas. Assis dans le cœur obscur d'une église ou assis en contre-jour du cul d'une impromise, assis. Assis dans nos bobos, assis dans nos lotos, assis jusque dans nos dodos, assis de cou cassé, assis écœuré, assis dans l'espoir de se lever ou marcher. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses. Fred Joe, je me sens emportée, supportée. Je suis dans l'allégresse. Et, si on est transformé, puis on pense qu'on va transformer aussi des choses. Cette marche-là, c'est un début. C'est un début pour une justice sociale. Il nous faut du pain. Donnons-nous la main. Nous sommes un peu plus grandes que ce qu'il vous semble. Nous voulons la paix pour ce monde qu'on a fait. Du Sur la chanson « Du pain et des roses », vous entendiez l'une des marcheuses de cette marche « Du pain et des roses ». Et juste avant la chanson, c'est un texte de l'autrice et féministe Hélène Pedneau que vous entendiez. Pour nous rappeler le contexte qui a conduit à l'organisation de cette marche des femmes contre la pauvreté au printemps de 1995, pour nous faire revivre aussi ce qu'a été cette formidable aventure de la marche « Du pain et des roses », je reçois Françoise David. Elle a été députée co-porte-parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Elle était présidente de la Fédération des femmes du Québec au moment de leur organisation de la marche du pain des roses. Françoise David, bonjour. Bonjour. Quelle image vous revient tout de suite en tête, Françoise David, quand vous repensez à cette grande marche-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre parcours de féministe et de femme de gauche? Bien, d'abord, je suis obligée de vous dire un grand bonheur. Réentendre la chanson du pain et des roses, là, chantée par Marie-Claire, pour moi, c'est de la grosse émotion. C'était la marche du pain des roses, la première grande, immense activité que j'organisais, en fait la plus grosse de toute ma vie. Évidemment pas seule, avec des milliers de femmes, puis finalement des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont arrivés ensemble le 4 juin à Québec. Donc c'est l'émotion qui domine, je dirais que c'est vraiment la première chose. Puis bien sûr après, il y a tout le contexte de la mise sur pied de cette marche et puis tout ce que ça a donné et dont on va parler. Oui, parce que c'est une marche, effectivement, qui va être importante pour... Il y aura des gains, puis c'est important pour... dans l'histoire du mouvement des femmes au Québec aussi, cette marche-là. Si vous aviez à dire en quoi elle a été historiquement... vous nous avez parlé de ce que ça a voulu dire pour vous personnellement. Historiquement, en quoi elle a été... De quelle manière elle a été importante, cette marche-là? Elle est importante parce qu'elle a existé à un moment où le mouvement des femmes sortait d'une période que j'appellerais un petit peu dépressive. Je mets des guillemets, là, mais rappelez-vous quand même qu'il y avait eu le massacre de Polytechnique en 89. En 90, publication de ce qui a été malheureusement un best-seller et qui s'est appelé « Le manifeste d'un salaud ». de Roch Côté qui expliquait noir sur blanc que toute la question de la violence à l'égard des femmes était une construction féministe et que les statistiques disaient le contraire. Enfin, bref, c'était vraiment pas drôle. On se faisait accuser comme féministes de gonfler les problèmes, d'aller trop loin, ce qui mettait des hommes en colère. C'était vraiment pas facile. Les groupes continuaient leur travail, évidemment. Et aussi, on était dans une période de récession, 91-92, période très difficile pour le Québec. Énormément de pauvreté, énormément de chômage. Ça touche d'abord et avant tout les femmes, mais aussi beaucoup de jeunes. Alors, la marche en 95, qu'on a commencé à préparer un an avant, elle est venue un petit peu réparer, retricoter le mouvement des femmes ensemble, le reconnecter de la bonne manière à toute la population du Québec, qui en avait un peu là, contre les féministes, oui. Bon, qui exagéraient et tout. Donc, pourquoi historique? Parce qu'elle est venue remonter le moral aux féministes et aussi, je dirais, rendre beaucoup plus solidaire plein de personnes dans la population qui avait de la difficulté à se sentir solidaire du mouvement des femmes. Une espèce d'électrochoc qui était nécessaire à ce moment-là. Historique aussi parce que, et littéralement historique dans la mesure, l'inspiration en tout cas, elle est historique. C'est en regardant un reportage sur les grandes marches aux États-Unis dans les années 60 que vous avez cette idée-là, non? Absolument. Je cherchais une idée. J'étais vice-présidente de la Fédération des femmes à l'époque, donc on est en 1994. Je suis devenue ensuite présidente. Je cherchais vraiment une idée. Je me disais, il faut rassembler les féministes, il faut se trouver un sujet commun, il faut marquer l'imaginaire, il faut, tu sais, il faut aller sur le terrain. On l'était, là, chacune dans nos groupes, mais il faut le faire tout ensemble. Et là, je vois à la télé un reportage sur la marche des Noirs aux États-Unis au début des années 60, marche dirigée par Martin Luther King. Et ben, sans me prendre pour d'autres, là, hein, faut être bien clair, je me dis, ben, s'ils ont et elles ont été capables de le faire, pourquoi pas nous? Et donc, très rapidement, je propose à mon conseil d'administration, qui au début écarquille un peu les yeux, qu'on marche 200 km, 20 km par jour pendant 10 jours. Oui. Et puis, ben, mon Dieu, au bout de quelques mois, c'était parti. Et pourquoi du pain et des roses? Parce que ça, le thème, ça n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est une copine féministe d'un des nombreux comités qu'on avait mis sur pied. Elle nous a rappelé une grève d'ouvrières du textile à New York au début du 20e siècle, dont le thème était « bread and roses », ce qui voulait dire du pain, parce que ces ouvrières avaient faim, que leurs enfants avaient faim, mais des roses parce qu'elles voulaient l'abolition du travail des enfants qui existait encore. Et nous, on s'est dit, ben, nous voulons aussi du pain et des roses. Nous voulons du pain parce qu'on vivait une période de pauvreté intense. Il fallait donc des revendications pour avancer dans la lutte à la pauvreté. Mais nous voulons des roses pour toute la reconnaissance du travail des femmes, dans le fond, ce qui n'est pas tout à fait terminé encore aujourd'hui. Et comment? Puis on y reviendra. Cette marche, donc, du pain des roses, elle va durer 10 jours et elle commence le 26 mai 1995. Du pain et des roses, c'était le slogan des travailleuses américaines du textile au siècle dernier. C'est maintenant celui de cette marche contre la pauvreté qui s'est mise en branle dans différents coins du Québec. Des centaines de femmes ont pris la route ce matin à Montréal, plus de 200 à Longueuil et près d'une centaine à Rivière-du-Loup. Des femmes de tous les âges, de différents horizons. Léa Robach, 92 ans, militante de la première heure, est venue donner son appui. Nous devons faire ce qu'on doit faire, c'est de continuer la bataille, continuer la lutte. C'est une lutte parce qu'il y a tant de choses à changer. Alors, on commence par une chose et ça s'enchaîne. Lise et Noëlla, deux infirmières depuis plus de 25 ans, ont décidé de marcher jusqu'à Québec. Je marche pour ma mère, je marche pour moi, je marche pour mes filles et mon petit-fils, un monde meilleur, du travail. On est dans un monde très, très, très individualiste. Puis les femmes sont isolées. On a besoin vraiment, dans une marche comme on va faire durant les 10 jours, de se sentir solidaires. Extrait d'un reportage de Lynn Pagé, diffusé au Montréal ce soir, le 26 mai 95, le jour où démarre cette marche du pain des roses. Elles seront des centaines, donc, à marcher pendant 10 jours, Françoise David. Pourquoi toutes ces femmes décident-elles de marcher? Vous avez des objectifs précis, là, au départ de cette marche. Oui, et je dois vous dire qu'on a refusé des inscriptions parce que toutes ces femmes, il fallait les loger, il fallait les nourrir, il fallait s'en occuper. Puis qu'à un moment donné, on n'avait pas des gros moyens. Heureusement, dans les régions, il y a plein de femmes et d'hommes aussi, il y a plein d'institutions qui nous ont aidés. Les femmes étaient portées par 9 revendications qu'on avait adoptées 1 an auparavant, sans grand problème, ça s'était fait très bien. Pourquoi? Bien parce que les problèmes de pauvreté étaient tellement criants que tout le monde s'entendait vite sur ce qui était essentiel. Je rappellerai pour mémoire, là, je ne vais pas toutes les nommer, ça sera un peu long, mais par exemple, une de celles qui a le plus frappé l'imaginaire était une demande pour une hausse substantielle du salaire minimum. Bon, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, finalement, ça a été 45 sous l'heure, mais ça a été la plus grosse hausse du salaire minimum connue depuis que le salaire minimum existait au Québec. Ça, c'est 10 jours de marche qui ont permis de l'avoir. On a eu des logements communautaires, une loi sur l'équité salariale, une loi sur la perception automatique des pensions alimentaires, une mesure aussi pour les femmes immigrantes parrainées qui était très importante pour elles, la mise en place d'un programme d'infrastructure sociale, c'est-à-dire, on appellerait ça aujourd'hui l'économie sociale où il y a beaucoup d'emplois, pas réservés aux femmes, mais qu'occupent les femmes, parce que traditionnellement, les femmes sont beaucoup dans les services aux personnes. Alors là, il y a eu des fonds dédiés à ce genre d'emploi-là. Donc, c'était des revendications concrètes, oui, atteignables à court terme. Ça, c'était important pour nous et qu'on a obtenu à peu près à 70 %. Oui. Puis c'est une des... Puis on y reviendra aussi, mais un des grands succès de cette marche-là, c'est qu'il y aura des résultats au bout du compte et que c'est incarné de manière très concrète dans des mesures qui vont faire une différence réelle au quotidien pour les femmes. En plus, bien sûr, d'être porté par cette vision, ce rêve, cet espoir de changement. Puis pour nous remettre un petit peu dans cet état d'esprit, on écoute à nouveau un extrait d'un reportage de Lynn Pagé qui a suivi quelques marcheuses, puis on va comme ça les suivre un petit peu à notre tour. Comment vous vous sentez après ces 10 jours de marche? Exaltée, totalement exaltée, c'est merveilleux. Et vous, madame, qu'est-ce que vous retenez? Comment vous vous sentez? Au-delà de toute espérance, en fait, de résultats en appui, tout le long du chemin, c'était vraiment... Et je ne peux pas trouver de mots pour dire comment on était reçus, comment les gens nous supportaient, qu'ils nous encourageaient de jour en jour à continuer à marcher. Même les ampoules au pied, on les oubliait et on marchait. Beau temps, mauvais temps, chaleur, pas chaleur, on y allait. Et vous, madame, quel est votre sentiment là présentement? Moi, je suis très fière de participer à un événement qui va être historique. On a marché pour les femmes, pour l'avancement des femmes, pour l'équité salariale, mais dans tous les sens, là, pour tous les côtés, qu'il y ait une meilleure répartition. Et vous êtes confiante qu'il y ait une suite à cette marche des femmes, que ce soit plus qu'un événement médiatique? J'en suis certaine. Donc, on l'entend bien dans cet extrait. Puis avec ce que vous venez de dire, Françoise David, la beauté de cette marche-là, l'un des côtés vraiment extraordinaires de la marche, c'est que c'est, oui, des revendications très, très concrètes qui sont portées par les femmes, mais ce qu'on vient d'entendre, un climat, un état d'esprit très bon enfant, c'est la fête là, pendant ces 10 jours. Oui, malgré les ampoules aux pieds qui se multipliaient, personne n'a abandonné, aucune femme n'a abandonné. Certaines sont venues marcher aussi 2-3 jours, par exemple. Et puis le matin, les hommes des municipalités où on s'était arrêtés étaient invités à marcher avec nous. Donc, vraiment une belle bande. Le soir, eh bien, on parlait, on fêtait, on chantait, c'était extrêmement agréable. Oui, ça s'est fait dans une atmosphère joyeuse, du début à la fin. Moi, je rencontre encore aujourd'hui des femmes qui ont fait cette marche et qui s'en rappellent comme si c'était hier. Donc, il y a eu quelque chose de marquant dans les esprits et dans le cœur des gens. Ce qui me frappe aussi quand j'écoute ces femmes-là qui sont en train de parler à Lynn Pagé, c'est qu'elles savent qu'elles portent un projet social et politique. Même si les mots ne sont pas dits comme ça, elles savent qu'au-delà des revendications concrètes, il y a toute une bataille contre les inégalités pour plus de justice justice sociale. Et sachant cela, eh bien oui, elle marche et elle marche 10 jours. Oui. Et ça se termine donc à Québec le 4 juin 1995 avec, vous l'avez un peu évoqué, mais quelques gains significatifs. Vous vous êtes donné à ce moment-là une note d'à peu près 70 %. Vous avez dit, on a eu 7 de nos revendications ont mené à des gains. Oui, ben en fait, c'est la note qu'on a donnée au gouvernement. Oui. C'est sûr que dans n'importe quel mouvement social, on voudrait toujours notre 100 %. Mais s'il y a une chose que la vie et le militantisme m'ont appris, c'est que c'est bien rare qu'on ait notre 100 %. Alors 70 %, franchement, ça n'est pas si mal, ça valait la peine, mais pas seulement parce que, oui, on a eu des réponses intéressantes à nos revendications, ça a valu la peine pour remettre le mouvement des femmes sur la carte, pour lui donner toute sa stature, toute son ampleur, parce que c'était, et c'est encore un mouvement très large, ça a valu la peine parce que plein de gens dans la population ont compris qu'au fond, une féministe, c'était qui? Bien, ça pouvait être leur sœur, leur mère, leur fille, leur voisine. C'était une femme, comme plein d'autres femmes, qui demandent tout simplement la justice. Juste pour ça, ça valait la peine de faire cette marche. Et puis, ça a valu la peine aussi pour le rôle, je dirais, sociopolitique qu'a pu mener la Fédération des femmes dans les années qui ont suivi, même si ça a été des années dures. Le gouvernement, qui est devenu le gouvernement de Lucien Bouchard, ne pouvait plus nous ignorer. Le mouvement des femmes était devenu ou était redevenu, je dirais peut-être, un acteur politique important. Oui. Puis il y avait aussi... Vous êtes arrivé au bon moment, des gains importants, donc, mais on le rappelle, cette marche-là, elle a lieu au printemps 95, quelques mois avant le référendum sur la souveraineté, le deuxième référendum sur la souveraineté d'octobre 95. Ça a joué dans l'équation aussi, Mme David. Bien, je le suppose. Je ne peux que le supposer parce qu'évidemment, vous comprenez qu'il n'y a personne dans l'entourage de M. Parizeau qui est venu me dire, vous savez, Mme David, vous faites votre marche à un bon moment. Mais oui, alors deuxième grande leçon que j'ai apprise de cette marche, il y a des momentum dans la vie et il faut savoir s'en servir. Alors, bien, tant mieux s'il y a quelques mois d'un référendum, un gouvernement a jugé que peut-être qu'il fallait répondre de façon satisfaisante aux femmes, ou en tout cas de façon suffisamment satisfaisante pour que les femmes n'aient pas envie de rejeter l'option de l'indépendance du Québec, tout simplement oui. En se disant de toute façon, ça sert à rien. Oui. Ben, tant mieux, tant mieux. Ce grand exercice citoyen, les résultats concrets que vous avez obtenus au terme de cette marche-là, est-ce que c'est le point de départ pour vous de ce qui deviendra un engagement dans la politique active plus tard à Québec solidaire? Pas vraiment. Pour être bien honnête, c'est surtout le point de départ d'une autre action majeure qui aura lieu en 2000, qui est la Marche mondiale des femmes, initiée aussi par la Fédération des femmes du Québec, avec plein d'activités qui seront partagées avec des millions de femmes dans une centaine de pays. Et là, au terme de cette marche de l'an 2000, qui se termine au Québec le 14 octobre 2000, les réponses du gouvernement de Lucien Bouchard à nos revendications, alors là, ne sont pas du tout satisfaisantes. Oui. Je dirais même, sont profondément décourageantes pour un mouvement des femmes qui est au sommet de son action et du rassemblement qu'il est capable de faire dans la population. Et c'est là qu'avec d'autres femmes, on commence à se dire, bon, alors, si on manque d'alliés à l'Assemblée nationale, ben, il va peut-être falloir aller à l'Assemblée nationale. Ben, on va terminer cette émission à l'Assemblée nationale, en quelque sorte, parce qu'en mai 2020, l'Assemblée a adopté à l'unanimité une résolution présentée par la députée solidaire Manon Massé qui soulignait l'importance qu'a eue la Marche du pain et des roses à l'occasion de son 25e anniversaire. Que l'Assemblée nationale souligne le 25e anniversaire de la Marche du pain et des roses qui s'est tenue du 26 mai au 4 juin 1995. Qu'elle souligne l'engagement et la part des milliers de femmes, marcheuses, organisatrices, donatrices, dans la réalisation de cet événement féministe sans précédent, qui a notamment permis des avancées en matière d'égalité et de justice pour toutes les femmes, avec l'augmentation du salaire minimum, la perception automatique des pensions alimentaires, la réduction du temps de parrainage pour les femmes immigrantes et une loi sur l'équité salariale. qu'elle rappelle que, malgré le progrès accompli depuis 1995, trop de femmes vivent encore dans la précarité, la pauvreté et l'exclusion. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense qu'on peut quand même, le Québec, reconnaître qu'on est un des endroits au monde les plus égalitaires entre les droits des hommes et des femmes. Je pense qu'on peut être fier de ça. Et il faut s'inspirer de cette marche historique de 1995 et souhaiter à toutes les Québécoises plus de pain et plus de roses pour les prochaines années. Merci. Le premier ministre François Legault à l'Assemblée nationale en mai 2020, précédé de la députée solidaire et co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. C'est un beau geste qui a été fait et qui allait de soi à l'Assemblée nationale en mai 2020. Françoise David, mais je suis curieux de vous entendre sur votre réaction à ce que François Legault vient de nous dire, puis au fond, à ce que ça a été ce moment-là. Quand vous avez vu ça, l'adoption de cette motion à l'Assemblée nationale, comment vous avez réagi? J'étais chez moi, je l'ai regardé en direct. J'étais très émue. Ben, Manon Massé, faut-il le dire, c'est au moment de la marche du Pain des Roses que je l'ai connue et c'est resté une amie, alors que ça soit Manon qui fasse ça, c'est très fort pour moi. Maintenant, par rapport à ce que M. Legault a dit, M. Legault n'a pas tort, il est évident que les femmes ont progressé depuis 1995, mais je ne peux m'empêcher, au moment où on se parle, de dire à M. Legault que si on veut combattre les inégalités entre les hommes et les femmes, il faut commencer par reconnaître le travail des femmes. Et ce travail des femmes, il s'exerce encore aujourd'hui largement dans les services publics, parapublics et communautaires. En ce moment, ces femmes sont en train de revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. J'aimerais juste que M. Legault s'en rappelle. Oui. En fait, c'est une vision. Cette bataille-là va passer par, c'est ce que nous rappelait peut-être cette résolution, par un changement de manière de faire, de concevoir le développement économique. Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Et c'est ce changement-là. Le gouvernement actuel du Québec, comme les précédents, remarquez bien, hein, il n'est pas prêt à le faire. Ça va être un travail de longue haleine pour que l'économie, ça ne soit pas seulement les routes, les aqueducs, le REM, les mines. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pourquoi est-ce que le travail des femmes, parce que c'est largement 75, 80, 90 % des femmes qu'on retrouve dans les services de garde, les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, les services sociaux dont on parle tant, la DPJ, parle tout le temps de femmes. Quand est-ce qu'on va reconnaître ce travail-là à sa juste valeur? Et là, quand on le fera, il y aura beaucoup moins de pauvreté, il y aura beaucoup moins d'inégalités au Québec, puis peut-être une société plus humaine, tout simplement. Françoise David, ex-président de la Fédération des femmes du Québec, instigatrice de la Marche du pain et des roses en 1995, je rappelle que vous avez également été députée et co-porte-parole de Québec solidaire. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Françoise David. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.